and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présenté par Jérôme. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode inédit de Music and the City ce soir, après une pause non prévue la semaine dernière. Alors toutes mes excuses pour cet affront, j'ai décidé de prolonger mes vacances sans vous en parler. Imaginez quand même le soleil, les sables chauds, l'océan à 28 degrés, ces vagues tendres qui vous caressent. Ouais, bon, je me dis que si l'été pour vous approche, pour moi c'est déjà fini, ouais. Ben, c'est ça de partir en premier. Mais bon, même sur le sable, j'ai quand même pensé à vous, et ce soir, une programmation de mes chansons de vacances, et il y en aura vraiment pour tous les goûts. Place d'ailleurs pour commencer au mythique groupe ABBA et son éternel Dancing Queen. Souvenez-vous du film aussi Muriel avec Toni Collette, où justement l'actrice joue une jeune femme mal dans sa peau et fan d'ABBA. Et surtout cette scène du club de vacances, c'est pour ça qu'on va démarrer avec cette chanson. Non, vous n'avez vraiment pas de souvenir de ce film ? Bon bah alors c'est à redécouvrir sur le Facebook dans quelques jours alors. Hein. Mais avant ça, Dancing Queen d'ABBA pour bien démarrer la soirée. Et surtout, bon appétit à vous qui nous écoutez. Oh, Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. On quitte les années 70 pour arriver jusque dans les années 80. Des années âge d'or même pour toute une génération de jeunes trentenaires ou de quadras. Je fais partie des trentenaires d'ailleurs, je précise. Hein. Et on appelait même cette génération la génération X, en hommage au premier bébé né sous X. Une thématique qui a inspiré la chanteuse et comédienne Isa Ferrer, qui prépare actuellement un sixième album studio, qui s'intitulera tout simplement XYZ. Et ceci en lien avec les générations 80, 90 et 2000. Son premier single, vous l'aurez compris, est une empreinte indélébile à l'encre 80s, sous fond de musique électro, toujours, et de références qui raviront vos souvenirs les plus inoubliables. Je dois dire que c'est mon coup de cœur de l'année, soyez-en sûrs. C'est inédit, c'est tout chaud, ça vient de sortir, c'est tout neuf, et c'est né sous X, d'Isa Ferrer, sur Fadjet, dans Music and the City, en quasi-exclu. Bébé de baby boomer à l'arrière d'une BX. Souviens-toi, remember, toi qui es né sous X. Embrasse-moi idiot au lieu de ma tête en X. L'amour ça rend les beaux. Get ready to spritz. To mix. Génération X. Gen X. Souviens-toi, remember, toi qui es né sous X. Ciao, ciao, Cisco, amour, cocadis. Bye, bye, Marilou, get ready to spritz. To mix, génération X. Gen X. Music and the City. La musique des jeux vidéo. Sur Fadjet. Ce n'est pas parce que j'étais en vacances que je n'ai délaissé à un moment donné ma chère console de jeux vidéo, faut pas déconner non plus. Ce goût de vacances rappelle aussi les moments câlins des flirts sur une plage d'été en fin d'après-midi. Ah, me voilà romantique, mais c'est quoi ce bordel ? Ce trop plein de love m'a un petit peu ramené à l'une de mes chansons d'amour préférées, sans doute la chanson dont je rêverais utiliser pour ouvrir le bal de mon futur mariage, encore faut-il que je trouve quelqu'un. Mais bon, c'est pas le sujet aujourd'hui. Quelle est donc cette chanson, me direz-vous ? Ça, c'est plus important. Eh bien, il s'agit du thème du jeu vidéo Final Fantasy X-2, qui s'intitule « A Thousand Words ». Et bon sang, si vous n'avez pas des frissons en entendant ce titre, moi je vous dis qu'il y a un réel problème quand même. Using gentle words to shelter me. Your words were like a dream, but dreams could never fool me. Not that easily. I acted so distant then, didn't say goodbye before you left. But I was listening to fight your battles far from me, far too easily. Save your tears, 'cause I'll come back. I could hear that you whispered as you walked through that door, but still I swore to hide the pain when I turned back the pages. Shouting might have been the answer. What if I'd cried my eyes out and begged you not to depart? But now I'm not afraid to say what's in. It's not too. There's no going back. 19h30, 20h, Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Et c'est avec ce fond musical un peu glauque que nous continuons cette émission qui parle normalement de vacances. Oui, on n'a pas l'impression là. Parce que pendant mes vacances, justement, j'en ai profité pour terminer mes séries télévisées en retard. Parce que, en bon geek, il faut savoir terminer toutes ces séries en temps et en heure. Et à l'âge d'or de la télévision à la demande, les programmes s'accumulent, on sait jamais quoi regarder. Et bien moi, je me suis penché sur la série Salem, qui relate le procès des sorcières dans la ville mythique américaine lors de l'arrivée des colons sur le nouveau continent. Il faut avoir quand même le cœur bien accroché, c'est un peu trash hein, par moment. Mais il y a 3 saisons, en tout, qui ont un final excellent qui clôture un des pans de l'histoire, mais pas tout. La série a été annulée à la fin de la saison 3, donc on n'aura jamais de suite, mais ça finit quand même relativement sympathiquement. Au casting, on avait Marilyn Manson. Et au générique, Marilyn Manson, avec l'excellent Cupid Carries a Gun. Et bim! Keep your head up tight. One hand on the trigger, the other. Music and the City sur Fadjet. C'est en mode diva que nous allons clôturer cette émission vacances, car s'il y a bien un sentiment qui me caractérise actuellement, c'est la tristesse. Oui, je suis triste. Très triste que ces beaux moments de soleil, de farniente et de calme soient derrière moi. Triste de devoir attendre l'an prochain pour remettre mon maillot de bain. Triste de vous voir partir tous bientôt. Je prends un châle, là, un petit peu comme un enterrement, et puis je deviens l'homme en noir, et puis voilà. Ou comme Cher le dirait, la Dark Lady. Ah oui, tiens, Dark Lady, de Cher, tout de suite sur Fadjet. Pour bien terminer, ça fait toujours plaisir. Music and the City sur Fadjet. L'émission se termine avec Dark Lady de Cher. Comme chaque semaine, je vous donne rendez-vous sur le Facebook de l'émission puisque vous êtes de plus en plus nombreux à venir y faire un tour. Et ça, c'est formidable. Et le Facebook, qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est Fadjet-Music and the City, tout simplement. Vous y retrouverez les clips des chansons de cette semaine, mais également, et ça, c'est vraiment le plus intéressant, j'ai envie de dire, le podcast de cette émission dès demain matin. Et ça, c'est cadeau, c'est offert par la maison. En prime, n'oubliez pas la rediffusion le samedi à 18h30. En attendant, moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée, un bon appétit si vous n'êtes toujours pas à table, et un bon film ou une bonne série si vous êtes prêt à vous mettre devant la télé. En attendant, à la semaine prochaine et ciao ciao.